Alors au sujet du verre à récupérer, foutez-le dans la poubelle. Thank you.

Alors, je dois vous expliquer le but de Nuisance. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens, du non-sens, du bon terme, du sens, jusqu'à trop plein, jusqu'à saturation. Et donc, on voudrait vous mettre un peu de non-sens dans la vie, pour que le bonheur soit partout, quoi. Et que la beauté et la vie aussi, et qu'on aime, et que l'amour, avant tout l'amour. Ensuite la vie, ensuite la beauté. En quatrième position, le fric. Et en cinquième position, les meufs. Plein de meufs, quoi, parce que je suis hétéro. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci Canal Sud. Merci Nuisance. Merci vous. Merci nous. Merci toi. Merci moi. Merci le ciel. Merci les oiseaux. Merci, merci les abeilles. Prends rien, ça sert à rien, laisse tomber quoi. Franchement, la vie c'est de la merde. Maintenant que tout est dit, sachez apprécier l'expérience de Nuisance, Nuisance qui s'encule soi-même parce qu'il est après 10h, on peut dire ce qu'on veut maintenant, merde. Alors maintenant que... tout est dit, sachez apprécier l'expérience de Nuisance, Nuisance qui s'encule soi-même parce qu'il a pris 10 heures, on peut dire ce qu'on veut maintenant, merde. Alors, je voudrais juste vous préciser une chose, c'est que Nuisance, l'émission que vous écoutez actuellement, est une émission de non-sens, complètement absconce et totalement déblatérante. Donc c'est vraiment important que vous compreniez bien, parce que c'est quand même essentiel, essentialiste même, allez, disons-le carrément, comme merde. Et ben, tout ça, c'est important pour nous, à Nuisance. Et que merci Canal Sud et merci tout le monde de nous laisser faire tout ça, quoi. Tout le temps, pour nous, sans s'arrêter. Et c'est génial, parce que c'est finalement tout le temps la même chose. Et ça, c'est bien. C'est comme ça, ça change du ramdam quotidien, que c'est tout le temps pareil, que c'est pas tout le temps la même chose. Tout le temps, tu vois ce que je veux dire? La même chose, ça c'est bien. C'est comme ça, ça change du ramdam quotidien, que c'est tout le temps pareil. C'est pas tout le temps la même chose, génial, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? La même chose, ça c'est bien. C'est comme ça, ça change du ramdam quotidien, que c'est tout le temps pareil. C'est pas tout le temps la même chose, génial, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? La même chose, ça c'est bien. C'est comme ça, ça change du ramdam quotidien, que c'est tout le temps pareil. C'est pas tout le temps la même chose, génial, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? La même chose, ça c'est bien. C'est comme ça, ça change du ramdam quotidien, que c'est tout le temps pareil. Donc allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Ils se foutent la gueule du monde et ils finissent à 25h les enculés. Donc allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Ils se foutent la gueule du monde et ils finissent à 25h les enculés. Donc allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Ils se foutent la gueule du monde et ils finissent à 25h. Enculé, c'est pas une insulte. Et on n'est jamais trop pédé dans la vie. Ils se foutent la gueule du monde et ils finissent à 25h. Moi je dis jamais rien. Et on n'est jamais trop pédé dans la vie. Ils se foutent la gueule du monde et ils finissent à 25h. Moi je dis jamais rien. Nuisance sur Canal. On n'est jamais trop pédé dans la vie. Ils se foutent la gueule du monde et ils finissent à 25h. Moi je dis jamais rien. Nuisance sur Canal. On n'est jamais trop pédé dans la vie. Se faire foutre.

Canal Sud est une radio raisonnable, donc je voudrais juste préciser que Nuisance, c'est l'émission qui nous sens, l'émission toutes les nuisances, sauf que peut-être qu'on peut justement superposer Canal les deux, Sud est une et tout ça donne radio raisonnable, donc tergiversation des blatérances, qui s'arrête jamais comme une logorée, toutes les nuisances, sauf que peut-être qu'on peut justement superposer les deux, une logorée, et tout ça donne radio raisonnable, donc tergiversation des blatérances, qui s'arrête jamais comme une logorée, toutes les nuisances, sauf que peut-être qu'on peut justement superposer une logorée, et tout ça donne radio raisonnable, donc tergiversation des blatérances, merde quoi. Mais c'est vrai quoi, merde quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair, merde quoi. Mais c'est vrai quoi, merde quoi, tu vois ce que je veux dire? d'assister actuellement au vol d'un bourdon sans aile qui est étalé par terre et en train de se débaucher dans tous les sens pour essayer de sauver sa vie, mais qui est misérable, une vie de bourdon quoi. Donc un bourdon comme un être humain, et ben, c'est une vie. Et vous voyez, ben, moi je trouve ça dégueulasse, je suis pas spéciste. Et d'ailleurs, je le dis carrément, j'aime bien les bourdons. Et les bourdons, ben, je vois pas pourquoi ça devrait crever sur un trottoir parce qu'un gamin de merde a enlevé ses ailes en lui arrachant comme ça, comme si c'était des ailes de poulet quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des ailes de poulet quoi. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce que nuisance, c'est important qu'on comprenne le sens des choses, le sens des paroles, le sens des dires. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, parce que dire, c'est important, vous voyez. Dire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, parce que dire, c'est important, vous voyez. Dire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, parce que dire, c'est important, vous voyez. Dire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce que dire, c'est important, vous voyez. Dire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, parce que dire, c'est important, vous voyez. Dire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, parce que dire, c'est important, vous voyez. Dire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Yeah. Alors tu vois là maintenant, tu comprends plus rien. Et ben c'est justement l'instant où c'est pire après. Parce qu'on comprend encore moins. C'est ça la complexité du truc. Tu comprends plus rien. C'est... Et ça, la chose, c'est que souci, ce qu'on sent, l'univers, c'est dans un amas de ce territoire, souci, l'univers, ce qu'on sent, l'univers, c'est un amas de territoire, souci, l'univers, ce qu'on sent, l'univers, c'est un amas de territoire, souci. Nuisance! Nuisance! C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. C'est toi qui es pas bon. C'est toi, j'accuse. C'est toi qui es pas bon. Tu pensais de quoi la dernière fois quand tu disais que c'était tout le temps la même chose et que ça changeait jamais, tu sais, tu as souvenir? C'est pas comme si... Thank you.

Bon bah il est 23h, alors vu qu'on finit à l'heure, Nuisance c'est le genre d'émission qui finit et qui commence à l'heure, donc 21h-23h tous les vendredis sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, téléphone le 05 61 53 36 95, une adresse de 40 Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France. Nuisance, l'émission de tout le non-sens, l'émission qui nuise au sens.